La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous. Depuis trois jours maintenant, nous cherchons à nous approcher de Racine. Mais ce génie de la langue française, parfois taxé de carriériste, n'est pas facile à saisir. Il aurait écrit des tragédies parce que c'était le genre à la mode et le plus rentable du temps de Louis XIV. Et aussi pour y transcrire les passions qui le travaillaient lui. Bref, il aurait été un caméléon, pour reprendre le terme que lui a accolé notre invité de lundi, son biographe Alain Viala. Mardi, nous avons cherché à approcher cette fois l'art de Racine en revenant sur le terme d'auteur classique auquel on l'associe souvent, en revenant aussi sur sa peinture des passions ainsi que sur sa place au sein de la querelle des anciens et des modernes. Notre invité était Georges Forestier. Et puis demain, nous conclurons notre série avec le regard de Pierre Lepape sur le dramaturge, tandis que Nathalie Azoulay parlera en première partie de l'amour chez Racine. Et aujourd'hui, l'idée de Richard a été ce très grand mur très ancien qui remonte à la nuit des temps. Et l'idée était aussi d'avoir cette, à la fois un décor très lourd, très chargé d'une certaine façon, même s'il est très rigoureux, d'un côté, dans la partie la plus serrée, et dans la partie la plus large des gradins, d'avoir, comme pour la solitude, un no man's land qui disparaissait dans l'obscurité, qui a été naturellement l'endroit d'où veut sortir Phèdre, et l'autre, l'obscurité, l'endroit d'où arrive Thésée. L'idée du mur et l'idée de la porte vient évidemment de l'obsession que j'avais, qui était de, derrière Racine, de retrouver le théâtre antique. Derrière Racine, il y a les deux grands modèles du théâtre antique, donc de l'Hippolyte de Ripide et de la Phèdre de Sénèque, qui d'une certaine façon, et les répétitions sont venues de cette tension-là, d'une certaine façon, sont des pièces qui sont plus proches de nous. L'Hippolyte de Ripide raconte la même histoire à peu près de façon mille fois plus, souvent plus familière, souvent plus simple, et étrangement, alors qu'elle est, elle date de beaucoup plus longtemps, étrangement plus proche de nous, et celle de Sénèque aussi. La voix de Patrice Chéreau au sujet de sa mise en scène de Phèdre. Alors aujourd'hui, pour évoquer la présence des auteurs de la Grèce antique dans le théâtre de Racine et en particulier de Ripide, nous sommes en votre compagnie. Tristan Allonge, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur d'une grande étude sur Racine et Euripide, sous-titrée « La Révolution trahie ». C'est un livre que vous avez publié en 2017 aux éditions Drô. Et à la toute fin de ce livre, vous imaginez le personnage de Racine lui-même assis dans sa bibliothèque en 1697, donc 2 ans avant sa mort. Il est en train de peaufiner son œuvre avec la dernière édition collective de son théâtre. Et il regarde les livres de sa bibliothèque. Et là, sur qui tombe-t-il? Et bien sûr, Euripide. Ainsi, pourrait-on dire, Tristan Allonge, pour Racine, la boucle est bouclée. Oui, exactement. Il est l'image que j'ai imaginée, effectivement, c'est d'un Racine qui est en train de peaufiner ses textes pour l'édition définitive, qui restera à la postérité, qui regarde sa bibliothèque et qui, effectivement, forcément, s'arrête sur Euripide, qui a structuré sa carrière dramatique à 4 reprises, au moins, et pas des moindres. La Thébaïde d'abord, son premier essai en 64, Andromaque en 67-68, son premier succès, peut-être, on y reviendra. Et puis Iphigénie et Phèdre pour conclure sa carrière. Donc effectivement, c'est Euripide qui est au centre de son écriture du début à la fin. Alors, un mot peut-être justement sur Euripide lui-même. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui était ce grand dramaturge? Oui, dramaturge du 5e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de Périclès, et qui vient un peu comme Racine, au fond, après une longue lignée de grands dramaturges. Eschyle, Sophocle l'ont précédé, même s'il était presque contemporain de Sophocle. Et donc, il est le troisième homme, celui qui a besoin d'innover pour plaire au public, de reprendre les mêmes histoires, mais d'innover quand même pour s'imposer. Et c'est exactement la situation, la position dans laquelle se retrouvera Racine, qui vient après un Rotrou, après un Corneille, et qui pourtant a besoin d'exister, et donc va devoir chercher quelque chose de nouveau à dire sur la scène. Il y a d'autres similitudes entre les deux. Par exemple, le fait que Euripide ait été chassé d'Athènes et qu'il arrête donc le théâtre. Et puis Racine aussi arrête le théâtre. Lui, il n'a pas été chassé quand même ni de Versailles ni de Paris. Oui, en effet, les deux trajectoires ne sont pas exactement identiques sur ce point. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ils arrêtent avec le théâtre. En réalité, Euripide n'arrête jamais. Hein. Il écrira jusqu'à la fin de sa vie, même en Macédoine, une fois parti en exil, entre guillemets, en exil volontaire. Alors que Racine, lui aussi, si vous voulez, effectivement, continue à écrire un peu en cachette. Et jusqu'à la fin de sa vie, écrira des pièces, non pas pour la grande scène parisienne, mais pour Saint-Cyr, pour la cour et pour Madame de Maintenon. Donc 2000 ans les séparent, et pourtant, ils ont en commun beaucoup de personnages. Oui, c'est effectivement ce que, et j'en profite pour faire un hommage à George Steiner qui nous a quitté il y a quelques semaines, un grand lecteur, y compris un grand lecteur de Racine. Et George Steiner, en parlant dans son ouvrage sur la mort de la tragédie, il a cette image très belle de miracle intermittent. Comme si la tragédie, au fond, dans l'histoire de la littérature, était un miracle intermittent qui apparaît par moments, qui apparaît dans l'Athènes du 5e siècle, qui apparaît dans la France de Louis XIV, et puis qui disparaît pendant longtemps. Et ce miracle intermittent, il passe évidemment par des circonstances sociales, par la présence d'un public bien précis, mais aussi, et c'est l'idée de cet ouvrage, il passe évidemment par des rencontres, et des rencontres qui sont des rencontres littéraires. Et la rencontre de Racine et d'Euripide est une rencontre éminemment littéraire. Oui, vous dites que Racine, c'est l'histoire d'une rencontre entre un milieu et un génie. Oui, entre un milieu et un génie, parce que, en réalité, Racine doit sa rencontre à Euripide à des gens, à ceux qui l'ont formé, dans la vallée de Chevreuse, ses maîtres jansénistes, qui vont l'orienter sans le vouloir. Ils auraient voulu en faire un avocat, et ils en font un dramaturge. Ils en font un dramaturge parce que ils lui donnent en réalité toutes les armes pour devenir un grand dramaturge, en le laissant lire toute la littérature antique, en particulier la tragédie et la tragédie grecque, dans le texte. Alors dans le texte, c'est peut-être ça qui est important, parce que ce qui est déterminant, pensez-vous, dans le rapport de Racine avec Euripide, c'est qu'il lit le grec directement, ce qui lui permet, contrairement sans doute à d'autres, d'être en connexion directe avec la pensée d'Euripide. En quoi est-ce que c'est déterminant, selon vous, pour Racine ? C'est déterminant parce que, si vous prenez toute l'histoire de l'enseignement, à partir du XVIe et du XVIIe siècle, l'histoire de l'enseignement qui est dominée en France par les collèges jésuites, les collèges jésuites, en théorie, dans leur statut, mettent l'enseignement du grec, mais en réalité, quand vous regardez les témoignages réels, personne ne connaît le grec au XVIIe siècle, ou très peu de gens. Et Racine fait partie de cette infime minorité. Pourquoi ? Pour des raisons, finalement, religieuses. Des raisons religieuses, parce que le grec et la religion sont fortement liés depuis le début du XVIe siècle, parce que on apprend le grec pour lire la Bible. Et les protestants font ça, les évangéliques font ça au début du XVIe, et évidemment, les jansénistes font ça, parce que ils considèrent qu'il faut avoir accès au texte dans l'original. Et donc, si vous prenez les programmes scolaires de Port-Royal, il y a une différence abyssale par rapport aux jésuites, et donc par rapport aux écoles qui ont formé Corneille, qui ont formé Rotrou, c'est qu'ils apprennent le grec très tôt. Et vous allez même plus loin, Tristan Allange, puisque vous dites que, au fond, s'il n'avait pas maîtrisé le grec, s'il n'avait pas rencontré Euripide, et puis peut-être aussi d'autres auteurs quand même de la Grèce antique, eh ben, il ne serait pas devenu dramaturge. Ça, c'est quand même assez disruptif comme théorie. Je crois que Racine intervient à un moment historique et littéraire très particulier, lorsque Corneille domine encore la scène. Donc c'est pas évident de se positionner derrière et après Corneille. Et pour le faire, il faut être sûr d'avoir la possibilité de fournir aux spectateurs quelque chose de nouveau. Et donc, il se rend compte, il l'a pas choisi, mais il se rend compte qu'il a un avantage comparatif énorme par rapport à tous les autres. Non seulement il peut lire Aristote, dont tout le monde parle, mais que personne ne va lire dans le texte, il peut le lire en grec, non seulement donc la théorie, mais également la pratique, parce qu'il peut, et on le sait parce qu'on a toutes ces éditions purement grecques annotées et traduites à côté, on sait que Racine a consulté la quasi-totalité des pièces grecques. Donc, on l'a déjà un peu dit dans cette semaine consacrée à Racine, les enseignements d'Aristote sont déterminants pour Racine, mais il faut le redire aujourd'hui, parce que c'est quand même là-dessus que se base l'ensemble de votre thèse, Tristan Allonge. Alors, quels sont les enseignements, quelle est cette poétique d'Aristote que va reprendre Racine et dont il va faire vraiment le socle de son théâtre? Alors, je repartirai de la traduction fragmentaire, qu'on connaît très peu, mais qui existe et qui est très intéressante, que Racine offre de la poétique d'Aristote. Dans cette traduction fragmentaire, il choisit certains chapitres, et étrangement, il ne choisit pas les chapitres qui sont les chapitres qu'aurait choisi un Corneille, qu'aurait choisi un théoricien de l'époque, c'est-à-dire celles qui concernent l'action, celle qui concerne les unités d'action, de temps, de lieu. Il choisit de se focaliser uniquement sur le personnage. Mmh. Et pourquoi le personnage? Parce que il comprend, et je crois que le passage par le grec est essentiel pour comprendre ça, parce qu'il n'a plus le filtre de tous les théoriciens italiens qui ont lu Aristote et qui ont fourni à Corneille un Aristote déjà retravaillé à travers Horace, etc. Racine revient à la source et il revient à l'enseignement qui est, à mon sens, essentiel chez Aristote. Aristote nous dit, certes, qu'il faut partir de l'action, que l'action vient avant les caractères, mais au sein des chapitres qu'il consacre à l'action, notamment au chapitre 13 et 14 de la poétique, Aristote nous parle du rôle essentiel du personnage, de ce qu'il appelle le personnage tragique. Il est le seul à dire ça à son époque? Alors, Corneille avait dans ses écrits théoriques évidemment exploré aussi cette notion de personnage tragique, mais il a du mal à le comprendre. Et quand il parle par exemple d'Œdipe, il dit mais Œdipe, je comprends pas comment il peut être à la fois coupable et innocent. En fait, il y a une sorte de manichéisme chez Corneille que Racine rejette un petit peu. Je crois que tout à fait. Je crois que la différence essentielle est que Corneille, au fond, et fils de son temps, et fils de tout ce qui est venu avant lui, et de cette lecture morale du théâtre. Le théâtre est là pour enseigner, donc il y a les bons, je caricature à peine, mais il le dit d'ailleurs dans ses discours, il y a les bons, il y a les méchants, et il y a un enseignement à tirer. Racine, lui, se met dans une position qui est purement aristotélicienne. Or, Aristote n'a jamais parlé de morale. Aristote parle uniquement de plaisir, et c'est bien ce qu'il recherchera dans toutes ses préfaces, il le précisera dans toutes ses préfaces, il faut plaire au public, c'est la seule règle, ouais. La règle suprême. Et donc pour plaire au public, il faut tout baser sur des personnages qui sont à la fois innocents et à la fois coupables. On va en parler avec différents exemples et pour commencer avec l'exemple de Phèdre. Je voudrais vous cacher une triste nouvelle, madame! Mais il faut que je vous la révèle! La mort vous a ravi, votre invincible époux! Et ce malheur n'est plus ignoré que de vous! Manope, que dis-tu? Que la reine, abusée, en vain demande au ciel le retour de Thésée. Et que par des vaisseaux arrivés dans le port, Hippolyte, son fils, vient d'apprendre sa mort. Ciel! Pour le choix d'un maître, Athènes se partage. Au prince, votre fils, l'un donne son suffrage, madame. Et de l'État l'autre, oubliant les lois au fils de l'étrangère, ose donner sa voix. On dit même qu'au trône, une brigue insolente veut placer Aricie et le sang de Palante. J'ai cru de ce péril vous devoir avertir. Déjà même Hippolyte est tout prêt à partir et l'on craint, s'il paraît dans ce nouvel orage, qu'il m'entraîne après lui, tout un peuple volage. Manope, c'est assez. La reine qui t'entend ne négligera point cet avis important. Madame, je cesse de vous presser de vivre. Déjà même au tombeau, je songeais à vous suivre pour vous en détourner. Je n'avais plus de voix, mais ce nouveau malheur vous prescrit d'autres lois. Votre fortune change et prend une autre face. Le roi n'est plus, madame. Il faut prendre sa place. Sa mort vous laisse un fils à qui vous vous devez. Esclave, s'il vous perd. Et roi, si vous vivez. La Compagnie des œuvres sur France Culture, avec un extrait de l'acte 1, scène 4 de Phèdre, dans la mise en scène de Patrice Chéreau, avec Christiane Coindy et Nathalie Bécu. C'est un moment très important, évidemment, de Phèdre, ce moment de l'annonce de la mort de Thésée, la fausse mort de Thésée, puisque en réalité il va revenir plus tard dans la pièce, et c'est crucial que vous nous en parliez, Tristan Allonge, parce que ça fait partie des innovations que Racine apporte. Alors on va parler de tout ça, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu, comme ça, à grands traits, l'argument, l'enjeu de cette pièce, Phèdre ? Oui, c'est l'histoire, finalement, en tous les cas dans la version antique que Racine reprendra. C'est l'histoire d'une femme, Phèdre, qui est mariée au roi Thésée et qui tombe amoureuse, malgré elle, à cause des divinités, à cause d'Aphrodite, qui tombe amoureuse du fils de son mari, Hippolyte. Et elle va donc développer cette passion, elle va ne pas pouvoir s'empêcher d'éviter de la déclarer, elle va la déclarer à sa nourrice, en tous les cas dans la version d'Euripide, et ensuite ça finira par arriver jusqu'à Hippolyte, et le retour de Thésée provoquera la catastrophe finale avec effectivement l'obligation pour Phèdre de s'enlever la vie. Évidemment, c'est les grands traits, mais des grands traits qu'il faudrait aller préciser, parce que chaque version est différente. Euripide, Sénèque, Racine, c'est très différent, c'est pas du tout la même chose. Alors ce qu'il faut dire, c'est que de manière très évidente, Racine se met dans les pas d'Euripide, notamment en l'écrivant noir sur blanc dans les premières lignes de sa préface. « Voici encore une tragédie, écrit-il, dont le sujet est pris d'Euripide. Quoique j'ai suivi une route un peu différente de celle de cet auteur pour la conduite de l'action, je n'ai pas laissé d'enrichir ma pièce de tout ce qui m'a paru le plus éclatant dans la sienne. Quand je ne lui devrais que la seule idée du caractère de Phèdre, je pourrais dire que je lui dois ce que j'ai peut-être mis de plus raisonnable sur le théâtre. Je ne suis point étonné que ce caractère ait eu lieu si heureux du temps d'Euripide et qu'il n'ait encore si bien réussi dans notre siècle, puisqu'il a toutes les qualités qu'Aristote demande dans le héros de la tragédie et qui sont propres à exciter la compassion et la terreur. En effet, Phèdre n'est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente. On a l'impression que tout ici, tout Racine se trouve encapsulé dans ces premières lignes de la préface à Phèdre. Effectivement, c'est une préface qui a orienté la lecture de Phèdre. C'était probablement l'objectif de Racine, qui a orienté la lecture de Phèdre pendant trois siècles. Mais je crois que c'est en réalité une opération de communication de la part de Racine. Comme souvent hein, avec Racine. Très souvent. Et une opération de communication parfois mensongère. Et c'est le cas en tous les cas, à mon sens, c'est-à-dire que Racine donne une description de fait, ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente, qui est une description qui est parfaite pour Euripide, mais qui n'a rien à voir avec sa pièce. C'est-à-dire qu'il met en avant une proximité avec Athènes et avec Euripide, mais et avec Aristote, mais qui n'est plus du tout ce qui n'est plus du tout le cas dans sa propre pièce. Donc si vous êtes en train de dire qu'il se réclame d'Euripide alors qu'en réalité il est très loin. Il est désormais très loin. On a voulu voir pendant très longtemps Phèdre comme l'aboutissement de la rencontre entre Euripide et Racine. Pour moi, c'est au contraire le moment de plus grand éloignement en fait entre les deux auteurs. Ouais. C'est-à-dire que Racine, à cause d'un cheminement très complexe sur lequel on pourra revenir tout à l'heure, avait commencé par une très forte proximité dans la Thébaïde, et une fois arrivé dans sa première pièce, dans sa première pièce de 64, et arrivé à Phèdre en 77, il en est désormais très très loin, pour être beaucoup plus proche d'un autre modèle, qui est un modèle finalement moderne, qui est le modèle de Corneille. Alors, justement, parmi les différences importantes entre la Phèdre d'Euripide et celle de Racine, il y a le cas de la mort de Thésée, de la fausse mort de Thésée, dont on vient d'entendre un extrait. Expliquez-nous pourquoi, Tristan Adonge. Alors, c'est absolument essentiel parce que ça, on a du mal à le remarquer, mais en réalité, c'est comme ça lorsqu'on creuse chacun des textes. Racine est le seul à imaginer une mort de Thésée. Dans toutes les autres variantes, y compris chez Euripide, chez Sénèque et dans tous les six auteurs français qui le précèdent, on sait que Thésée est éloigné, est loin, est retenu, peut-être par une amende, peut-être par une mission militaire, peut-être aux enfers, peu importe, mais on n'est pas totalement inquiet quant à son retour. On peut l'être un petit peu, mais on n'est pas sûr de sa mort. Alors que, et j'invite les professeurs de lycée qui auraient peut-être encore quelques étudiants qui n'ont pas encore préparé leur bac et qui n'ont pas encore lu la pièce, de leur demander de lire les deux premiers actes de la pièce et de s'arrêter là, jusqu'au retour de Thésée, et d'imaginer un peu la suite. En réalité, si vous ne connaissez pas l'histoire avant, Racine a tout fait pour vous faire croire qu'effectivement Thésée est mort. Ce qui libère, évidemment, ce qui rend possible la tragédie. Rend possible la tragédie parce que la tragédie à la fin de l'acte 1, avec Phèdre qui a fait cet aveu à Œnone, est finalement une tragédie bloquée. Parce qu'on ne peut rien faire, parce qu'elle est mariée, tout simplement. Et l'annonce par Panope que Thésée est mort, annonce qui présente des détails, parce que Hippolyte se prépare même à partir, il y a des jeux politiques qui commencent à se faire entre tous les courtisans. Évidemment, ça change la donne, parce que ce que l'invite Œnone à faire, évidemment, elle est maintenant légitime à demander éventuellement la main d'un nouveau mari, puisqu'elle est veuve. Alors en quoi ça change aussi toute la vision du théâtre que Racine avait par rapport à la vision du théâtre que avait Euripide? Ça change parce qu'en réalité, chez Euripide, on parle très peu de Thésée. On parle très peu de Thésée parce que Phèdre est le personnage vraiment totalement aristotélicien, c'est-à-dire un personnage qui, en étant ni tout à fait coupable ni tout à fait innocent, va provoquer la catastrophe finale. Pourquoi celle qui provoque la catastrophe finale? Parce que c'est elle qui décide de mourir sans jamais évoquer Thésée. Le seul fait, s'il y a une Phèdre qui est une Phèdre janséniste, si vous voulez, si vous me permettez, c'est la Phèdre grecque. C'est la Phèdre d'Euripide qui est janséniste parce que c'est elle qui se réprime tellement qu'elle va décider de mourir sans savoir où est Thésée, s'il reviendra ou s'il ne reviendra pas. Le problème n'est pas, c'est pas une répression externe, comme ce sera le cas chez Racine, c'est une répression interne, d'où la nature double du personnage de Phèdre chez Euripide. Racine a choisi de ne pas suivre Euripide sur ce point, et c'est une différence absolument essentielle. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime! Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. Ni que du fol amour qui trouble ma raison, ma lâche complaisance et nourrit le poison. Objet infortuné des vengeances célestes, je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes! Les dieux m'en sont témoins. Ces dieux qui, dans mon flanc, ont allumé le feu fatal à tout mon sang. Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. Toi-même, en ton esprit, rappelle le passé. C'est peu de t'avoir fui, cruel. Je t'ai chassé. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins? Tu me haïssais plus. Je ne t'aimais pas moins. Love me. Please love me. Yodels while he burns his brand on you. compagnie des heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Alors que nous dit finalement Racine sur la culpabilité de son personnage de Phèdre, Phèdre qui dit « mon mal vient de plus loin » ou encore « c'est Vénus tout entière à sa proie attachée », signifiant par là que finalement elle n'est pas responsable du fait qu'elle est amoureuse du fils de son mari, de son beau-fils en réalité. Quelle vous semble être la réflexion de Racine à ce sujet, s'il y en a une, parce que peut-être qu'il s'agit seulement de créer chez le spectateur le plus possible d'émotions, le plus possible peut-être d'effroi, je ne sais pas. Je crois que Racine, évidemment, en très bon lecteur d'Euripide, en très grand interprète d'Euripide, a parfaitement compris qu'il y avait dans le personnage grec une duplicité et une dimension effectivement de faute et d'innocence qui coexistaient. Sauf qu'il a choisi en réalité de suivre, et c'est pour ça que l'extrait de Patrice Chéreau de tout à l'heure est intéressant, parce que finalement il met sur le même plan Sénèque et Euripide en parlant un peu de ses sources antiques. Mais ces sources antiques disent exactement l'inverse, c'est-à-dire que la Phèdre d'Euripide n'est pas la Phèdre de Sénèque. La Phèdre d'Euripide est une Phèdre qui se réprime toute seule, qui meurt sur scène à la moitié de la pièce. Elle n'arrive même pas à la fin de la pièce, elle ne rencontre pas Hippolyte. Elle est trahie par sa nourrice. C'est sa nourrice qui provoque la déclaration d'amour à Hippolyte. Racine, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Et on vient de l'entendre. Il met en scène la rencontre entre les deux et il laisse Phèdre vivre jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière scène. Pourquoi il fait ça? Parce que, pour deux raisons, je crois. Même si, évidemment, il est fasciné par cette complexité de l'héroïne d'Euripide, il est contraint d'une certaine façon par ce qu'attend le public. Le public attend de la passion amoureuse. Il a son actrice vedette qui incarne Phèdre et qui est habituée à jouer des rôles de ce type-là. Donc, il ne peut pas s'en priver à la moitié de la pièce. Donc, il veut faire vivre Phèdre et une Phèdre amoureuse et passionnelle jusqu'au bout. Exactement comme chez Sénèque, donc c'est pour ça qu'il reprendra Sénèque. Et puis il y a évidemment la contrainte de tous les auteurs qui avaient précédé, les six auteurs qui avaient précédé à partir du XVIe siècle la Phèdre de Racine, qui tous ont repris Sénèque et non pas Euripide. Et donc il était d'une certaine façon contraint de se plier aux attentes du public qui attendait une Phèdre amoureuse et passionnelle et pas du tout une Phèdre janséniste, entre guillemets. En fait, on a l'impression qu'avec Racine, on en revient toujours aux contraintes. C'est vrai que Racine, et c'est pour ça que j'aime bien l'image de Caméléon d'Alain Viala, et je l'applique en fait à la littérature. Il est surtout, je crois, plus qu'un caméléon social, il est vraiment un caméléon littéraire. Il comprend, mais il mettra du temps à le comprendre, hein, et ses deux, trois premières pièces, il connaîtra aussi l'échec. Au début, Britannicus, ne l'oublions pas, est un échec pour Racine. Il va progressivement comprendre qu'il a en face, et il va progressivement, et c'est l'idée de ce livre, il va changer sa façon de fabriquer des pièces. Et c'est ça, l'apport de ce livre, c'est de montrer qu'il n'y a pas une façon de fabriquer des pièces chez Racine, mais il y a une façon qui est évolutive. Il s'habitue, on est dans le théâtre, et donc il y a une réponse par le public, et donc il faut s'adapter au public, si on veut, comme Racine le veut, avoir du succès. Et en même temps, on n'a pas l'impression de pièces tellement fabriquées. On a l'impression justement d'avoir affaire à un grand artiste qui est quand même très inspiré. Et c'est vrai que depuis le début de la semaine, on n'entend que ce mot-là de contrainte, de fabrication, de rapport au public, d'effet, etc. C'est étrange quand même. C'est étrange, mais c'est comme ça. Et on a d'ailleurs une preuve de ça. On a une Iphigénie en tauride que Racine n'a jamais écrit, mais il nous a laissé le plan des scènes par scène du premier acte. Et on voit bien comment il travaillait. Il faisait un plan. Il commençait par l'intrigue, évidemment. Et apparemment, c'est la légende qui veut ça, c'est son fils Louis Racine, biographe de son père, qui le glisse. Apparemment, Racine avait l'habitude de dire « Une fois que le plan est fait, ma tragédie est faite ». C'est-à-dire que tout l'aspect qui nous passionne aujourd'hui, nous intéresse, nous intrigue, et c'est peut-être la raison pour laquelle on lit encore Racine aujourd'hui, n'est peut-être pas la bonne raison, c'est-à-dire que c'est une raison purement esthétique, la beauté du vers, la beauté du français, mais en réalité pour Racine, l'essentiel, et d'ailleurs c'est le cas pour tous les autres auteurs du XVIIe siècle, c'est bien un artisan qui fabrique une pièce. Et en même temps, on a encore une fois un tout petit peu du mal à le croire, parce que ça signifierait qu'il suffit d'une recette pour écrire un chef-d'œuvre. Et si c'était le cas, on pourrait, comme ça, écrire des chefs-d'œuvre sans jamais s'arrêter. Or, on sait très bien que le chef-d'œuvre, c'est rarement une recette. c'est rarement une recette. Il faut avoir la bonne recette. Et je pense que Racine a été, dans ce cas précis, le seul à percer le mystère des anciens et à percer ce secret du personnage tragique, même s'il va revenir dessus au fil du temps. Mais c'est bien ça l'idée innovante qui va lui permettre d'atteindre le succès. Il n'y a aucun crime dans Racine. Il y a beaucoup moins de crimes que dans Euripide. Il y a beaucoup moins. Si ça doit être un crime, il y en a beaucoup plus dans Euripide, disons, puisque là, elle n'a eu que la pensée d'aimer quelqu'un. Et elle le pense depuis 20 ans. Mais elle aime depuis 20 ans. Mais c'est pas un crime. Et elle ne, dans les règles de bienséance qu'impose Racine, elle ne se dévoile que parce que son mari est mort, que parce que Thésée est mort. Et donc, tout le monde emboîte le pas, et je crois que brusquement, je me suis dit, cette chose, l'obsession qu'ont les gens de la penser comme coupable, l'obsession qu'elle a elle-même de se penser coupable, raconte énormément de choses sur le désir féminin. Et sur une chose que, quelquefois, les hommes ont du mal à comprendre. Je suis tombé sur une citation effrayante de Valérie, où il dit à peu près que c'est toute l'horreur du désir féminin, dans toute sa rage. Le mot est plus terrible que ça, et je me suis dit, mais ça, c'est, voilà, une réaction intéressante, dire que Phèdre, avec cet excès de douleur et de masochisme, racontait l'oppression ou racontait la soumission au modèle masculin. Ce que l'on désire, on ne l'obtient pas. On ne peut obtenir ce que l'on désire. Patrice Chéreau, de nouveau avec Phèdre, comme victime d'un modèle masculin, du patriarcat, pourrait-on dire. Est-ce que c'est une vision qui est trop contemporaine pour vous ? Je crois qu'il y a, en tous les cas, un désaccord sur un point essentiel. Je crois que la Phèdre de Racine n'est justement pas la Phèdre d'Euripide, et donc c'est une Phèdre qui, en réalité, parle beaucoup. Elle parle du fait qu'il faut qu'elle meure et qu'elle ne peut pas accepter cet amour. Mais en réalité, dans les faits, si vous regardez la pièce, elle ne fait qu'agir pour la passion. Donc il y a une dichotomie totale entre ce qu'elle raconte et ce qu'elle fait. Et ce qu'elle fait, c'est quoi ? C'est que même après le refus, elle renvoie une deuxième fois Œnone en disant à Œnone d'ailleurs, enfin tes conseils ne sont plus de saison, sers ma fureur Œnone et non pas ma raison. Et donc, malgré l'échec, elle retente en disant, le petit jeune, il a peut-être un intérêt politique, va lui faire miroiter le trône et peut-être que comme ça, on arrivera à le séduire. Et même après le retour de Thésée, alors qu'une femme devrait normalement se ranger, Phèdre ira jusqu'à l'acte 4, en tous les cas, ira rencontrer Thésée pour essayer de sauver son amour, pour sauver Hippolyte. C'est quelque chose qui est impensable chez Euripide. Et c'est donc une Phèdre qui est totalement effrontée, beaucoup plus effrontée que chez Sénèque, paradoxalement. Et c'est la Phèdre la plus effrontée de la littérature, je crois. Et il ne meurt pas pour les mêmes raisons, pour le coup. Mais est-ce qu'elle est scandaleuse ? Est-ce qu'elle est jugée comme étant scandaleuse au XVIIe siècle, la Phèdre ? Je crois qu'il faut distinguer le texte, ce qui se passe effectivement dans le texte, et je crois que la Phèdre de Racine est totalement scandaleuse. Elle mourra sur scène par passion, non pas par honneur ou par peur de la pensée des autres. Elle vient mourir sur scène, empoisonné par quoi ? Par le poison de Médée, autre invention géniale de Racine. Le poison de Médée, ça évoque quoi ? Ça évoque Médée, ça évoque la jalousie. Et donc, ce qui met fin à la passion de Phèdre, c'est une autre passion. Ce n'est pas l'honneur, ce n'est pas la raison, mais c'est la passion jalouse. C'est-à-dire que le retournement essentiel se produit à la fin de l'acte 4, lorsque Phèdre découvre qu'Hippolyte aime Aricie. Mmh. Et c'est là qu'elle bascule. Alors là aussi, c'est très racinien et seulement racinien, parce que l'amour d'Hippolyte, ça n'existe pas chez Euripide, ça n'existe que chez Racine. Alors, pas que chez Racine, en réalité. Enfin, pour comparer les deux. Oui, bien sûr. C'est quelque chose que, évidemment, Racine a repris de tous ses devanciers, les 6 devanciers français, pas tous, les 3 derniers, en tous les cas, ceux du XVIIe siècle, qui vont, et Bidard notamment, Gilbert, Bidard, ils vont, des auteurs aujourd'hui mineurs qu'on n'étudie plus, mais qui sont intéressants parce que Racine les a lus. Il les a lus et il les a suivis peut-être plus que Euripide, paradoxalement, évidemment sans les mentionner dans la préface. Et dans ces versions-là, qui sont effectivement des versions très modernes, très XVIIe siècle du mythe antique, on ne peut pas imaginer ce qu'il y avait chez Euripide, c'est-à-dire un Hippolyte qui n'aime pas les femmes. C'est impensable, parce que d'ailleurs Louis Racine toujours le glisse à un moment donné, qu'auraient pensé les maîtres de Port-Royal, etc. On aurait pensé peut-être à un homosexuel, etc. Donc ça aurait créé... Et donc il faut redoubler la passion. Mais Racine a quelque chose de plus par rapport aux autres auteurs qui l'ont précédé. Qu'est-ce qu'il fait d'Hippolyte ? Il fait en fait un double de Phèdre. Alors, est-ce que le scandale, il ne vient pas aussi de la thématique de l'inceste, qui quand même est particulièrement brûlante ? Alors, effectivement, ce qu'on dit souvent, on dit que Racine, contrairement à tous ses devanciers, est lui revenu à la vraie Phèdre, à la Phèdre incestueuse d'Euripide. Mais en réalité, si on regarde dans le détail, les autres auteurs du XVIIe siècle, pour éviter l'inceste, avaient imaginé une Phèdre qui n'est pas encore mariée, qui n'est que fiancée. Mais Racine, au fond, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il imagine une Phèdre qui n'est plus mariée, puisqu'elle est veuve. Donc en réalité, enfin, elle est juste veuve. Elle est juste veuve, mais peu importe. C'est-à-dire, limite, je trouve plus scandaleux une fiancée qui tombe amoureuse de quelqu'un d'autre qu'une veuve qui tombe tout de suite amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc finalement, Racine n'est pas très loin de Elle était déjà amoureuse du temps de son mariage. Bien sûr, bien sûr. Depuis 20 ans au moins. Bien sûr, mais c'est vrai que Racine, à travers cette innovation-là, rejoint les autres auteurs en faisant en sorte que Phèdre soit libre de la contrainte, et donc ce n'est plus un inceste en réalité. Au moins pendant un acte, ce n'est plus un inceste. D'un amour criminel, Phèdre accuse Hippolyte. Un tel excès d'horreur rend mon âme interdite. Tant de coups imprévus m'accablent à la fois qu'ils m'ôtent la parole. Il m'étouffe la voix. Prêtre, tu prétendais qu'en un lâche silence, Phèdre ensevelirait ta brutale insolence. Il fallait, en fuyant, ne pas abandonner le fer qui dans ses mains aide à te condamner. Ou plutôt, il fallait, comblant ta perfidie, lui ravir tout d'un coup la parole et la vie. De mensonges si noirs, justement irrité, je devrais faire ici parler la vérité, Seigneur. Mais je supprime un secret qui vous touche. Approuvez le respect qui me ferme la bouche. Et sans vouloir vous-même augmenter vos ennuis, examinez ma vie et songez qui je suis. Quelques crimes toujours précèdent les grands crimes. Quiconque a pu franchir les bornes légitimes peut violer enfin les droits les plus sacrés, ainsi que la vertu, le crime à ses degrés. Et jamais on n'a vu la timide innocence passer subitement à l'extrême licence. Un jour seul ne fait point d'un mortel vertueux un perfide assassin, un lâche incestueux. Élevé dans le sein d'une chaste héroïne, je n'ai point de son sang démenti l'origine. Pité, estimé sage entre tous les humains, daigna m'instruire encore au sortir de ses mains. Je ne veux point me peindre avec trop d'avantages, mais si quelque vertu m'est tombée en partage, Seigneur, je crois surtout avoir fait éclater la haine des forfaits qu'on ose m'imputer. C'est par là qu'Hippolyte est connu dans la Grèce. J'ai poussé la vertu jusqu'à la rudesse. On sait de mes chagrins l'inflexible rigueur. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Thésée, furieux après que Phèdre lui a menti en lui faisant croire qu'Hippolyte l'aimait, alors qu'en réalité c'est Phèdre qui aime Hippolyte. On entendait Éric Ruff et Pascal Grégory. C'est aussi du coup cette pièce, une histoire entre un père et son fils, une histoire de génération, une histoire d'innocence et de culpabilité entre le père et le fils. C'est effectivement très... Le dialogue qu'on vient d'entendre est très, très instructif, parce qu'on peut se demander à un moment donné, mais pourquoi Hippolyte ne parle pas ? Pourquoi Hippolyte reste silencieux ? Et c'est un vrai enjeu. Dans l'Antiquité, c'était très simple, en fait. Hippolyte avait juré, il y avait une dimension culturelle, religieuse, il avait juré à la nourrice de ne rien dire. Donc il ne peut pas parler. Chez Racine, évidemment, cette idée-là n'aurait pas été comprise par le public. Et donc, il faut imaginer autre chose. Alors, pourquoi il reste silencieux devant ce père qu'il admire, hein, parce qu'il le dit depuis le début, il aimerait être comme son père, il aimerait tuer des monstres. Et d'ailleurs, à la fin, on y reviendra, il va tuer un monstre, hein, parce qu'il va tuer le monstre qui sort de l'eau. Hippolyte reste silencieux, je crois, Et Aricy, d'ailleurs, au début de l'acte 5, va lui demander « Mais pourquoi tu restais silencieux ? Ça n'a aucun sens. » Et en fait, Hippolyte reste silencieux parce qu'en réalité, il s'identifie à Phèdre. Il partage avec Phèdre, ça peut paraître paradoxal, mais il partage avec Phèdre, et Racine a tout fait dans la construction de sa pièce pour faire en sorte qu'il y ait une situation de miroir entre les deux. Phèdre et Hippolyte sont tous les deux coupables vis-à-vis du père au sens psychanalytique. Ils sont coupables parce que tous les deux aiment quelqu'un d'interdit. Donc Hippolyte comprend au fond et s'identifie à Phèdre, et c'est pour ça qu'il reste silencieux, parce qu'il en partage la faute. Lui aussi, en aimant Eriphile, en aimant une femme que Thésée interdit d'aimer pour des raisons politiques, c'est d'une certaine façon révolté contre le père pendant son absence. Et donc c'est effectivement, toute la pièce tourne autour de cette tentative inaboutie de tuer le père, de tuer le roi. Donc il se punit lui-même en ne disant rien à son père ? Alors, d'une certaine façon, on peut presque imaginer, même si c'est aller un peu loin dans l'interprétation, on peut imaginer qu'Hippolyte va vers une forme de suicide. C'est-à-dire que dans ce récit de Théramène très beau que Racine reprend de Ripide, il ajoute un détail, c'est-à-dire que en réalité, Hippolyte n'est pas tué par le monstre. On a souvent cette image qu'il est tué par le monstre. C'est un accident de la route, en réalité. C'est-à-dire qu'il tue le monstre. C'est une innovation totale qu'il n'y a nulle part ailleurs. Donc, redites-nous un petit peu ce qui se passe à la fin. En fait, il est exilé par son père, et donc il part sur son char, sur la plage. Et là, de la plage, sort ce monstre marin qui épouvante les qui passait par là. Qui passait par là, envoyé par Neptune, parce que évidemment le père l'a maudit et donc a demandé au dieu Neptune de punir son fils. Neptune fait sortir ce monstre. Le monstre effraie les chevaux. Et Hippolyte, bien qu'il arrive à tuer le monstre, et donc qu'il arrive à rejoindre le père dans cet héroïsme de tueur de monstres, en réalité meurt dans un accident de la route parce que les chevaux ne l'écoutent plus. Alors pourquoi les chevaux ne l'écoutent plus ? Parce que, et si on revient au tout début, autour du vers 500 de la pièce, Hippolyte nous l'explique. Depuis qu'il est amoureux, il ne parle plus à ses chevaux, et ses chevaux ont oublié sa voix. Et donc, d'une certaine façon, ce qui tue Phèdre, la passion amoureuse, c'est aussi ce qui tue Hippolyte. C'est-à-dire c'est la passion qui l'a poussé à oublier ses devoirs, et ses devoirs en tant que conducteur de chevaux. Tout cela est-il moral ? Tout cela est-il chrétien ? Janséniste ? Je crois que la pièce n'a absolument rien de janséniste, surtout que Racine l'a en fait vidée même de cette dimension plus répressive qu'il y avait chez Euripide. Par contre, ce qu'il fait, c'est une opération de communication. Et dans sa préface, il laisse entendre qu'il a voulu réconcilier les messieurs qui sont opposés au théâtre. Et là, on peut voir un peu qui on veut. Hein. Il y en a qui ont vu les jansénistes, il y en a d'autres qui ont préféré voir plutôt une partie des jésuites plus favorable au théâtre. Mais en tous les cas, Racine arrive par miracle à réconcilier effectivement, à travers cette opération de communication qui guide les lecteurs dans la lecture de la pièce, à les réconcilier avec le théâtre en laissant croire, ce qui n'est pas du tout le cas dans le texte, qu'il a écrit une pièce autour de la résistance à l'amour. Alors tout cela dont on vient de parler avec vous depuis le début de cette émission, Tristan Allonge, le rapport de Racine et de Ripide, vous en parlez longuement au sujet de Phèdre, mais vous en parlez aussi au sujet des autres pièces inspirées de Ripide, donc la Thébaïde et puis les autres que vous avez citées tout à l'heure, mais commençons par la Thébaïde. Peut-on considérer qu'il y a une révolution euripidienne dans la Thébaïde ? Quelle est la problématique ? Quel est l'enjeu avec cette première pièce de Racine ? Je goûtais l'autre jour Alain Viala qui parlait d'une pièce un peu trop scolaire. Je reprendrais cette idée de scolaire, mais dans une acception positive, c'est-à-dire scolaire, mais d'une école que le public n'a jamais connue, c'est-à-dire l'école aristotélicienne. Et c'est une pièce qui mériterait d'être découverte parce que c'est une pièce passionnante. C'est la pièce probablement la plus fidèle à Euripide et à Aristote. Racine sort de l'école, en gros, il écrit cette première pièce, il choisit Euripide. Il choisit Euripide parce que il trouve chez Euripide des illustrations concrètes de ce que voulait Aristote. Et Aristote avait demandé un personnage ni tout à fait coupable ni tout à fait innocent, la Jocaste de la Thébaïde, c'est-à-dire la femme d'Œdipe qui doit gérer le conflit entre leurs deux fils, Éthéocle et Polynice, qui sont chacun opposés d'un côté et de l'autre des murailles de Thèbes, elle va essayer, elle va commettre une faute. La faute de Jocaste est une faute qu'on ne retrouve dans aucune version précédente, sauf chez Euripide. La faute de Jocaste est qu'elle a obtenu une trêve et qu'au lieu de séparer les deux frères, elle croit encore en l'amour de ses fils et donc elle pense qu'en les faisant réunir, elle va faciliter leur retrouvaille. Parce que la Thébaïde, c'est l'histoire de deux frères ennemis. Deux frères ennemis qui vont finir par s'entretuer. Mais chez Racine, ils ne s'entretuent pas parce qu'ils sont ennemis, ils s'entretuent justement parce qu'ils sont frères. Au moment de se retrouver, la mère les pousse finalement, malgré elle, donc c'est une faute innocente, si vous voulez. Jocaste, qui est la première grande héroïne racinienne, à mon sens, Jocaste commet effectivement une faute, parce qu'elle n'a pas et c'est d'ailleurs la faute de Jocaste depuis toujours, Jocaste est la femme d'Oedipe, c'est-à-dire c'est un personnage qui ne comprend jamais le lien de sang qu'elle a en face d'elle. Et dans ce cas précis, elle ne comprend pas que ses deux enfants sont des enfants d'Oedipe, et donc des enfants maudits, et donc des enfants qui forcément finiront par s'entretuer, par se détester depuis toujours. Donc c'est une histoire de haine. Demain, on parlera avec Nathalie Azoulay de l'amour chez Racine. C'est vrai que c'est un thème très présent, mais la haine est bien présente aussi. La haine est toujours présente et souvent aussi liée à l'amour. C'est vrai que dans cette première pièce, et c'est peut-être une partie de son insuccès, il n'a pas encore compris qu'il fallait glisser un petit peu d'amour, ce qu'il fera progressivement, ce qu'il fera notamment dans Andromaque, dans la deuxième grande pièce reprise d'Euripide. Alors, vous reprenez à chaque fois l'idée de la révolution pour Racine, enfin de la révolution littéraire par Racine, et à chaque fois vous nuancez cette révolution en fonction des pièces étudiées. Quel serait le type de révolution avec la Thébaïde ? Alors, le type de révolution, c'est que, si vous voulez, ce que j'appelle la révolution racinienne, c'est dans la façon de fabriquer une intrigue, c'est non pas de faire comme faisait Corneille, comme faisaient tous les autres, c'est-à-dire de se concentrer autour de péripéties, d'interventions, d'actions secondaires, de personnages secondaires qui viennent influencer le dénouement, mais de se focaliser autour d'un seul personnage, qui est le personnage tragique au sens d'Aristote, chapitre 14. Ce personnage tragique, qui est celui qui, par sa nature double, va provoquer le retournement et la catastrophe finale. Et Jocaste est justement ce personnage-là. C'est-à-dire c'est un personnage qui crée une attente positive dans la réunification entre ces deux frères, et qui, pour une faute, pour une amartia, diraient les Grecs, dirait Aristote, elle va provoquer la catastrophe finale. Mmh. Et c'est ça la révolution qui est totalement à l'œuvre dans cette première pièce. Alors que dans Andromaque, la révolution, c'est la révolution contestée de Racine. Pour quelle raison, Tristan Allon ? Contestée parce que je crois que Racine persévère, malgré l'échec de la Thébaïde. Il va persévérer dans cette idée qu'il faut qu'on se propose quelque chose de nouveau. Il va donc reprendre chez Euripide cette figure d'Andromaque qui n'est pas l'Andromaque qu'on s'attend, qui n'est pas l'Andromaque d'Homère, l'Andromaque veuve fidèle, mais qui est une Andromaque très, très particulière, qui vit dans une vie un peu particulière, au sens où elle est effectivement la veuve d'Hector, mais elle est aussi une femme qui lutte pour la vie de son enfant et qui a donc recommencé à vivre. Et cette femme va donc, et c'est en ça qu'elle est double, elle va découvrir progressivement qu'elle n'est pas que veuve, l'image que tout le monde attend d'elle, mais qu'elle est aussi mère. Et le fait d'être mère va faire basculer, là aussi, au début de l'acte 4, va faire basculer la pièce en son contraire. Dernière pièce inspirée d'Euripide, c'est évidemment Iphigénie. Cependant, par un sort que je ne conçois pas, votre douleur redouble et croît à chaque pas. Et quoi ? Te semble-t-il que la triste Eriphile doive être de leur joie un témoin si tranquille ? Crois-tu que mes chagrins doivent s'évanouir à l'aspect d'un bonheur dont je ne puis jouir ? Je vois Iphigénie entre les bras d'un père. Elle fait tout l'orgueil d'une superbe mère. Et moi ? Toujours en butte à de nouveaux dangers. Remise dès l'enfance en des bras étrangers, je reçus et je vois le jour que je respire sans que mère ni père aient daigné me sourire. J'ignore qui je suis. Et pour comble d'horreur, un oracle effrayant m'attache à mon erreur et quand je veux chercher le sang qui m'a fait naître, me dit que sans périr, je ne me puis connaître. Non ! Non, jusque au bout, vous devez le chercher. Un oracle, toujours. Iphigénie, en 91, par les comédiens du français en particulier, avec Sylvia Berger jouant Euryphile, Tristan Allonge. Là encore, il y a un retour à Euripide dans cette pièce, puisque Racine trouve le sujet de sa pièce, c'est-à-dire l'obéissance d'une fille chez Euripide. Mais ça n'est pas tout à fait la même configuration de reprise que dans les textes précédents. Absolument. 6 ans se sont écoulés depuis Andromaque, et Andromaque a provoqué finalement, et c'est peu exploré, mais il y a eu quelque chose après Andromaque, il y a eu une vraie contestation. Et une contestation qui, à mon sens, tourne vraiment autour de cette idée d'un personnage double, que le public n'accepte pas, ne comprend pas, parce qu'il n'est pas habitué tout simplement. Il est habitué à une vision beaucoup plus, une division très nette entre manichéenne, entre bon et méchant. Et donc, Racine va d'ailleurs réécrire en 73 Andromaque, partiellement. Il va supprimer un retour, et je vous invite à relire la première version, la version de 68 d'Andromaque, qui est une version très différente dans l'acte 5. Andromaque revient sur scène et déclare son amour à Pyrrhus. Racine va supprimer ça parce qu'il comprend qu'il y a un problème autour de ça. Et quand il revient à Euripide, 6 ans plus tard, il va effectivement reprendre cette Iphigénie qui était double chez Euripide, mais il va la dédoubler, entre guillemets. Pour ne pas proposer un personnage double, il va inventer une deuxième Iphigénie coupable, Euryphile. Mais alors pourquoi ne pas proposer, j'ai envie de dire, comme Aristote l'aurait souhaité, un personnage double? Pourquoi précisément le dédoubler? Parce que justement le public ne comprend pas. Le public qui n'est pas habitué, en réalité, à Aristote, même si tout le monde en parle, n'est pas habitué à cette complexité et qui s'attend plutôt des personnages bons ou méchants, attend une Iphigénie, a une vision très claire, parce que d'autres ont écrit avant lui, Rotrou en particulier, il attend une Iphigénie qui est une sage, obéissante, fille de son père. Donc il abandonne finalement ce sur quoi il a basé un certain nombre de sa poétique à lui quand même. Par opportunisme, je crois que Racine effectivement abandonne sa particularité la plus grande, qui était celle de ce personnage, d'où là, le titre, hein, Révolution trahie. Oui. Alors du coup, est-ce que c'est une pièce moins intéressante pour vous ? Elle est intéressante parce qu'en réalité, elle montre bien que Racine a totalement compris Euripide, il l'a vu, mais il s'en éloigne. Donc c'est intéressant de voir aussi cette relation à l'antique qui évolue avec le temps, avec des contraintes qui sont nouvelles. Certainement, on perd quelque chose, je crois, par rapport à la complexité fascinante d'Euripide. Alors finalement, vous vous êtes intéressé à Euripide. Bon, il y avait peut-être eu des travaux avant vous, je ne sais pas, mais enfin, il semblerait que quand même, c'était pas la figure antique qui était la plus étudiée en rapport avec Racine. Est-ce que on trouve, j'imagine que oui, d'autres sources antiques chez Racine? Il doit y avoir Sophocle, il doit y avoir... qu'est-ce qu'il y a en réalité? Oui, si on reste sur la tragédie grecque, effectivement, Racine a tout lu. Donc il y a évidemment des images qui lui reviennent d'autres sources, notamment de Sophocle, mais aussi d'Eschyle. Il a tout annoté, donc forcément c'est dans sa tête. Quand il reprendra l'histoire romaine, il reprendra évidemment les historiens, Tacite, etc. Mais je crois qu'il a trouvé chez Euripide quelque chose qu'il a en commun avec lui, c'est-à-dire cet amour de l'intérieur, de l'oikos, de la dimension personnelle, jusqu'à cette profondeur, et vous me permettrez, psychologique qu'il y a chez Racine et qu'il y avait déjà chez Euripide. Et pourquoi ne l'a-t-on pas vu ou l'a-t-on moins vu? Je crois qu'il y a eu probablement une résistance de la part de la critique française. Parce que on a l'habitude de mettre Racine sur un piédestal, et donc Racine forcément ne doit rien à personne. Et donc voir Euripide derrière Racine, c'est d'une certaine façon reconnaître que Racine est certes un génie, mais c'est un génie qui a travaillé à partir d'un autre génie. Donc il y aurait de la cécité dans la critique française. C'est une hypothèse. Parce qu'on aime trop Racine, parce qu'il nous représente trop, il est trop la littérature française. Il y a peut-être quelque chose de ça, effectivement. Est-ce qu'on trouve Euripide aussi ailleurs que dans les 4 pièces dont on a parlé? Je crois qu'on trouve en tous les cas peut-être Euripide dans la dernière pièce, dans Athalie. Il y a cette image de ce jeune enfant abandonné qui a grandi dans le temple, qui rappelle d'ailleurs Racine lui-même, et qui vient peut-être de Ion d'Euripide. Mais en tous les cas, on retrouve Aristote partout. Aristote est vraiment présent dans toutes les pièces dans Britannicus, dans Bérénice, dans toutes les pièces de Racine. Et on imagine que vous allez donc pouvoir vous atteler peut-être dans un second ouvrage à chercher Euripide dans toutes les autres pièces de Racine. Merci Tristan Allon. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en langue et littérature française à l'Université de La Réunion et auteur de Racine et Euripide, la révolution trahie chez Drault en 2017. Tout de suite, la chronique. Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et on est très heureux de vous retrouver, Alexis Broca, du nouveau magazine littéraire. Oui, mais les auditeurs Mathieu. Le savent bien maintenant. Bonjour Christophe. Alors, que trouve-t-on au sommaire de ce nouveau magazine littéraire actuellement en kiosque ? Écoutez, on trouve un grand nombre de richesses. Voilà 15 jours, je vous parlais de notre grand dossier de février sur l'âge d'or du roman américain. Et bon, on est allé chercher d'autres trésors dans la littérature anglo-saxonne et dans cette une littérature un peu d'actualité, puisque nous avons acheté en fait deux grands articles de l'écrivain australien Richard Flanagan, qui nous évoque les catastrophes qui ont frappé l'Australie récemment, ces immenses incendies. Parce qu'en fait, nous sommes aperçus que vu de France, on avait un peu du mal à se représenter l'ampleur de ces incendies. Et nous sommes tombés sur ces articles et sur une image qui nous a beaucoup séduit. Une image vraie, c'est Richard Flanagan qui regarde une librairie d'un village qui a été ravagé par les flammes, devant lequel le libraire a posé un petit panneau disant « La fiction post-apocalyptique a été transférée aux affaires courantes ». Et en effet, dans ces articles, Flanagan nous donne des visions post-apocalyptiques de l'Australie en prose incendie. Il écrit « Les images des feux s'apparentent à un croisement entre Mad Max et le dernier rivage. Dans une épaisse brume orange, des milliers de personnes sont venues s'amasser sur les plages pour former des tableaux moyenâgeux entre Bruegel et Bosch, mêlant humains et animaux dans un silence étrange. Les visages des survivants, cernés par les flammes, sont occultés par des masques et des lunettes de natation. Le jour se fait nuit à mesure que la fumée étouffe toute lumière. Durant ces minutes effrayantes qui précèdent la lueur rouge annonçant l'imminence de l'enfer, flammes hautes de plus de 60 mètres, tornades de feu, enfants terrifiés fuyant les incendies sur des canots pneumatiques, tels des migrants abandonnés dans leur propre pays. » Et alors Flanagan ne se borne pas à constater la catastrophe, il nous montre que cette irruption de l'imaginaire post-apocalyptique dans la réalité australienne, eh ben elle a une raison, elle a des responsables. La raison, selon Flanagan, c'est évidemment le réchauffement climatique qui assèche l'Australie et favorise des incendies sans précédent. Et les responsables, eh bien, ce sont les hommes politiques, et en particulier Scott Morrison, que nous avons appris à connaître, qui est le premier ministre climato-sceptique au pouvoir en Australie, qui se surnomme ScoMo, et que les Australiens ont rebaptisé SmoCo. Depuis la catastrophe. Et Flanagan écrit des choses à la fois remarquables et extrêmement sévères à son sujet. Il écrit « Il y a 2 ans, Scott Morrison, alors ministre des Finances, a ramassé un gros morceau de charbon et l'a apporté au Parlement pour répondre aux critiques sur l'industrie du charbon. Il pensait sans doute que c'était une bonne blague à raconter à l'Australie pour faire rire sur quelques zigotos aberrants tels les écologistes et la communauté scientifique mondiale. Ou peut-être que Morrison ne pensait à rien du tout. » Peut-être que la grande erreur des journalistes est de croire que les personnes au centre du jeu valent plus que ce qu'elles laissent paraître. Mais elles pourraient valoir bien moins. C'est le problème et la vraie horreur avec des gens comme Morrison. Et cette vraie horreur, selon Flanagan, eh bien, elle culmine lorsque Morrison et son équipe rient littéralement des inquiétudes des scientifiques et des alertes sur la dégradation du climat. Flanagan écrit « Ils tournent en dérision non seulement leurs opposants, mais ils raillent aussi l'avenir. Ils nous défient de nous souvenir, passer le prochain cycle médiatique, de voir clair au-delà du prochain mensonge. C'est l'image de notre temps, le pouvoir nous riant au nez. » Voilà, merci beaucoup et je renvoie nos auditeurs sur le dernier numéro actuellement en kiosque du nouveau magazine littéraire. Merci Mathieu. Compagnie des œuvres, aujourd'hui par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Pierre Cataneo et Jordan Fuentes. Demain, point d'orgue sur Racine, 2 invités, Nathalie Azoulay nous parlera d'amour et nous conclurons avec le regard de Pierre Le Pape sur le dramaturge